dépit, on va vous expliquer au fur et à mesure. C'est une bactériémie. Alors, vous écrivez en abréviation EI, hein, grand E, grand I, en tout cas, c'est infectieuse ou bien ce qu'on appelle la maladie d'Oster. Ce qu'on appelle la maladie d'Oster. Alors, c'est une bactériémie. Secondaire à la greffe. Secondaire à la greffe et la prolifération d'un agent infectieux. Donc, entre parenthèses, bactérien, fongique. Au niveau de l'endocarde valvulaire. Dont il existe deux formes. La forme endocardite, ce qu'on appelle endocardite sub-aiguë, entre parenthèses, ostlaire, l'endocardite sub-aiguë, c'est ostlaire, O, c'est un nom propre, avec O majuscule, O-S-L-E-R, ou bien l'endocardite aiguë. Sub-aiguë. Il y a deux formes. Qui est mon ancien cours? Alors, endocardite, c'est quoi? C'est une septicémie, c'est un germe. Donc, vous avez vu donc, les valvulopathies rhumatismales. Maintenant, c'est des valvulopathies dues à une infection. Alors, ce germe-là, il se greffe, il fait son foyer au niveau de l'endocarde valvulaire, au niveau des valves. Donc, la localisation aortique, c'est la localisation la plus fréquente et la plus dangereuse. C'est-à-dire, ça atteint, je vais vous dire tout ça, je suis en train de vous expliquer. Puis, il y a les valves mitrales, c'est surtout le cœur gauche. Et vous avez après la tricuspide et l'artère pulmonaire, c'est vraiment exceptionnel. On peut avoir un endocardite sur les signaux pulmonaires. La tricuspide, on les voit surtout dans les cardiopathies congénitales. Cénogène, chez quelqu'un qui est vraiment immunodéprimé, une dialysée, ou quelqu'un qui a une hémopathie, ou bien quelqu'un qui a un cancer, etc. D'accord? Donc ce germe-là, il se greffe sur ce tissu valvulaire, il va entraîner des lésions, donc de mutilations, et de ce qu'on appelle un foyer de germes et de cellules inflammatoires, ce qu'on appelle les végétations. Donc les végétations, c'est très caractéristique de l'endocardite infectieuse. Et quand on trouve une végétation à l'écho, ça pose le diagnostic d'endocardite infectieuse. Je vous ai dit, il y a deux formes. La forme aiguë, c'est-à-dire si tu as un tableau foudroyant, un syndrome infectieux sévère, altération de l'état général, déjà maladie bien pour des compressions cardiaques, etc. Je vous dis, voilà, donc j'ai une fièvre qui date depuis 15 jours. Il y a la forme sub-aiguë, c'est une fièvre depuis plus de 3 semaines, donc sous forme de fiébricule 38, 37, 38, donc jusqu'à 38,9, et le malade qui a négligé et qui commence à altérer son état général avec une asthénie, anorexie, etc., ce qu'on appelle la maladie d'Oster. D'accord? Donc c'est ça, grosso modo, la plante de casier perfectionne. Alors, donc devant une infection, il faut toujours chercher la porte d'entrée. C'est primordial. Le port d'entrée, donc la plus fréquente, c'est la porte d'entrée au arrêt. C'est les soins dentaires. Il faut toujours chercher, les soins dentaires, c'est le streptocoque. D'accord? Et puis il y a les autres foyers, donc digestifs, urinaires, génitales, etc., etc. Alors, donc on va parler après des germes les plus fréquents, c'est le streptocoque, c'est le staphylocoque, puis il y a les germes à développement intracellulaire, et il y a également les champignons et les champignons et les mycoses. Alors, il faut savoir que l'endocardite, c'est une urgence. Si on ne la traite pas, le malade va partir. parce qu'elle est émaillée par des complications graves. Des complications cardiaques et extra-cardiaques. Cardiaque, c'est la décompensation cardiaque. Ça donne des fluides, des régurgitations, parce que le tissu est mutilé. Donc on va avoir des régurgitations, soit amorphiques, soit mitrales, soit fibrillaires, etc. Et quand on a des fuites comme ça, aiguës, sur un VG normal, donc au début, le ventricule gauche, il va se dilater, il va se lutter, puis il va se dilater, c'est une dysfonction en VG, c'est la décompensation cardiaque. Parfois, le tableau, il se manifeste par un AVC. Parce que ce petit bout de végétation, il peut migrer, surtout quand il est gros, il peut migrer dans la circulation systémique, il peut engendrer n'importe quel accident vasculaire, cérébral, pulmonaire, ça tombe des embolies pulmonaires, surtout le cœur droit, c'est la trie du SPIC qui donne généralement les embolies pulmonaires, ce qu'on appelle septique. Ça peut donner un infarctus splénique, un infarctus rénal, un infarctus iliomésentérique, ça donne un abdomen chirurgical, ça donne des ischémies des membres supérieurs bien inférieurs. D'accord? Mais surtout là, les complications les plus redoutables, c'est l'insuffisance cardiaque et c'est les AVC. C'est les deux causes de mortalité les plus importantes. Alors, le deuxième chapitre, l'étiologie. Alors, vous écrivez trois éléments contribuent au développement de l'endocardite infectieuse. Trois éléments contribuent au développement de l'endocardite infectieuse. Petit 1, l'endocarde. 2 points à la ligne. Petit A, endocardite infectieuse sur lésion préexistante. Petit A, endocardite sur lésion préexistante. Vous écrivez dans 2/3 des cas. 2 points, un tiré à la ligne. Dans 2/3 des cas, c'est des lésions préexistantes. Je vais vous expliquer après. Un tiré essentiellement valvulaire, ce que je vous ai dit, essentiellement valvulaire, par ordre de fréquence, par ordre de fréquence décroissant, vous avez l'IA, l'IAO, l'IM, le RAO, RM, merci beaucoup. Je vous laisserai conjuguer, monsieur. Alors, par ordre décroissant, je vous ai dit que l'insuffisance aortique, c'est au premier plan. Puis vous avez l'insuffisance mitrale, le rétrécissement aortique, le RM, et puis vous avez l'IT et le RT. Le deuxième tiré, sur prothèse. Je vous ai dit l'insuffisance aortique en premier, c'est la plus fréquente. Puis vous avez l'insuffisance mitrale. Puis le rétrécissement aortique, le rétrécissement mitral. Je vous ai dit, c'est des lésions, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà ses athènes. D'accord? Quelqu'un qui a déjà une insuffisance aortique, post-traumatisme. Quelqu'un qui a déjà une IM, post-traumatisme. Bien quelqu'un qui a déjà un RAO congénital. D'accord? Alors je dirais sur prothèse valvulaire, entre parenthèses, biologique ou bien mécanique. Sur prothèse valvulaire, biologique ou mécanique. Un autre tiré sur cardiopathie congénitale. Entre parenthèses, vous avez la bidyspidie aortique, RAO, la bidyspidie aortique, RAO, CIV. La CIV, c'est la combinaison, vous allez la faire après. C'est la communication interventriculaire. CIV, vous écrivez CIV, PCA, grand P devant C, grand A, c'est la persistance du canal artériel, PCA, vous avez la coarctation de l'aorte, c'est des cardiopathies congénitales que vous allez faire après. Un autre tiret à la ligne, généralement d'une, en tout cas antiquité, infectieuse, lente ou semi-aiguë. Donc ça nous dit là, petit B, endocardite infectieuse sur cœur sain. Endocardite infectieuse sur cœur sain, dans un tiers des cas, sous forme plus souvent d'une endocardite aiguë. Sous forme d'une endocardite aiguë. Donc ça, concernant, je vous ai dit, petit 1, l'endocarde. Alors, vous écoutez. Je vais vous expliquer en deux phrases. Quand le germe, il s'agrève sur deux choses. Soit sur un cœur qui a déjà des lésions valvulaires. Généralement, c'est rhumatismal. D'accord ? Ou bien congénital. Ou bien c'est un cœur qui a été déjà opéré. Donc, sur prothèse, comme on vous a dit, il y a deux types de prothèses, biologique et mécanique. Ou bien c'est une endocardite sur cœur sain. On peut avoir une endocardite sur cœur sain. Mais généralement, c'est les immunos. D'accord ? Petit B, la porte d'entrée. Deuxièmement, petit 2, la porte d'entrée. Sous forme de tiret, donc vous mettez dentaire, trois croix. Vous mettez trois croix sur dentaire, c'est la porte d'entrée la plus fréquente. Donc il faut faire attention aux soins dentaires. Très attention, surtout pour les sujets prédisposés. Prédisposés, c'est-à-dire les gens qui déjà sont connus, vous dites que j'ai un souffle, je me suis suivie pour un souffle. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est déjà opéré pour une prothèse valvulaire. Deuxième tiret, c'est ORL. ORL, c'est les sinusites, c'est les otites, c'est tout ce qui intéresse la sphère ORL. Troisième tiret, digestif. Cholecystite, appendicite, tumeur du côlon, tout ça, donc tout ce qui intéresse l'appareil digestif. Urinaire, donc c'est les infections urinaires, ou bien c'est chez quelqu'un qui a une sonde physique à la demeure, donc les sujets sondés, c'est une porte d'entrée quand même très importante. Urinaire, gynécologique. Donc c'est surtout après un avortement, c'est le curetage, la vue des endocardites après curetage. C'est les biopsies de l'utérus, de l'endomètre, c'est les salpingites, donc tout ce qui intéresse, les infections qui intéressent l'appareil génital chez la femme. Un autre tiret, on a donc cutané. Donc on a les plaies chroniques négligées, quelqu'un qui a une petite plaie granissure qui l'a négligée et s'est infectée. C'est une porte d'entrée. Ou bien chez quelqu'un qui a un cathéter central. Un cathéter, j'ai des malades qui ont des cathéters centraux. Il y a des malades comme des gens qui font la chimiothérapie. Des fois, ils n'ont pas de veine périphérique, on leur place un cathéter. Donc, au niveau de la veine sous la veine, c'est un cathéter à demeure qui reste. Ou bien chez les gens hémodialysés, donc ils n'ont pas encore la fistule, donc ils ont souvent un cathéter fémoral, ou bien sous clavière, ou bien carotidien. C'est une porte d'entrée. Petit 3, donc ça c'est les portes d'entrée les plus importantes. C'est bon, c'est clair ? Très bien. Alors, petit 3, le germe pathogène. Le germe pathogène. Sous forme de tiret, donc vous mettez le streptocoque non D. Streptocoque non D dans 50% des cas. Non D. Parce qu'il y a le streptocoque D, il y a le streptocoque non D, c'est une classification. Ou il y a le streptocoque du groupe A. Et le groupe A, qui est responsable des amygdales, et le groupe D, pardon. Donc le streptocoque non D, il est d'origine buccodentaire. d'origine buccale, dentaire ou bien rhinopharyngée. Un autre tiré est le streptocoque D. Le streptocoque D, c'est-à-dire digestif. Donc vous mettez digestif, porte d'entrée, c'est digestif. Ou bien génito-urinaire. Génito-urinaire. Un autre tiré, on a le staphylocoque. Dans 15% des cas, hein, staphylocoque. Donc deux fois, on a le staphylocoque épidermidis, c'est le staphylocoque cutané, l'épiderme épidermidis, comme ça se prononce, épiderme épidermidis. Il y a le staphylocoque aureus, donc d'origine génitale ou bien urogénitale ou bien cutanée. Un autre tiré, on a les bacilles gram IBGM, les bacilles gram négatifs. Les bacilles gram négatifs. Un autre tiré, il y a des germes à développement intracellulaire obligatoire ou prédominant. Les germes à développement intracellulaire obligatoire et prédominant. Exemple, on a les chlamydia, CH, chlamydia avec CH au début, MY, chlamydia, virgule Coxella, COX2L. Coxella, Bartonella, BARTO2L. Bartonella, comme ça se prononce. Salmonella, c'est la FT. C'est la vieille partie. Voilà, donc c'est surtout, il y a aussi la Kinjella. Kin avec K. Kinjella 2LA. Kinjella. Il y a les champignons. Surtout chez les immunodéprimés. Les champignons, surtout chez les immunodéprimés. Alors, le troisième chapitre, c'est le diagnostic clinique. Diagnostic clinique. Petit 1, les signes cliniques. Donc, qu'est-ce que vous avez comme premier symptôme? Très bien. C'est une fièvre au long cours. C'est une fièvre au long cours. Généralement, c'est une fièvre qui est bien tolérée. Elle est au-delà de 15 jours. Au-delà de 2 semaines. Accompagnée d'asthénie des 3 A, anorexie, amaigrissement. Des sueurs profuses, surtout la nuit. D'arthralgie et de myalgie. Arthralgie et de myalgie. Avec un décalage thermique, la température varie entre 37. Avec la fièvre, il varie entre. Vous m'écoutez comme ça, mais non. Non. Avec une fièvre, donc il varie entre 37,6 jusqu'à 38,5. 38,5. Donc ça c'est les principes. Ça c'est les principaux symptômes cliniques. Vous écrivez un tiret. Parfois le tableau clinique est révélé par une complication. C'est-à-dire que le malade vient consulter des gens pour une complication. Donc, soit une insuffisance cardiaque, il vient pour une dyspnée importante, il vient consulter pour une dyspnée, soit il vient consulter pour AVC, soit, on va détailler après les complications, soit il vient consulter pour une ischémie du ventre. Une fois, un malade il était jeune à l'époque, en quarantaine. Il a été hospitalisé aux urgences chirurgicales pour un abdomen chirurgical, sans antécédent. Douleur abdominale, défense, etc. Donc, ils l'ont repéré, bon, des échographies, c'était un infarctus malade. Il a été opéré en urgence. Donc, c'était un infarctus, un infarcissement de la rate surinfectée. Parce que, une fois un infarcissement, il se surinfecte. Ça vous donne des images d'abcès. Ils l'ont opéré en 15 jours. On trouve de grosses végétations sur les cibles mortes. C'était vraiment des végétations énormes. Il a été admis chez nous, donc on a commencé le traitement, et au cours de l'hospitalisation, il a eu une ischémie du ventre supérieur. Donc il y a un petit bout de la végète qui a maigri, il a été revascularisé sur le ventre, puis on l'avait confié au change. Donc là, il faut opérer en urgence, il ne faut pas attendre. D'accord. Donc le tableau clinique, c'est pas toujours évident. Donc devant un malade, c'est tout un raisonnement, c'est pas une cardiologie. Cardiologie, c'est les mathématiques de la médecine. Il faut toujours raisonner. Un malade, c'est un tout. Donc vous pouvez trouver une femme malade, j'étais résidente, elle est venue consulter pour une toux. Elle avait à l'époque, elle avait 29 ans, grande de taille, bien importante. Donc elle me dit que ça fait, je suis en train de tousser, j'ai vu des pneumos. Ils m'ont dit que c'est une groupe, c'est une grippe, pardon. Et elle fait des hémoptysies. Alors quand elle nous a montré le thorax, on a trouvé une dilatation de l'artère pulmonaire avec des petits signes de surcharge. On a pensé à quoi? Non, vous allez le faire après, on pensait à l'embolie pulmonaire. Et dès qu'on a vu un écho, effectivement, c'était, on a trouvé des pressions pulmonaires qui sont élevées, ça a été confirmé par le scanner. Ça fait plus de 15 jours, elle est en train de consulter, prendre des antibiotiques. C'est-à-dire pour vous dire que le mois de septembre chez un malade, il faut le prendre en considération. D'accord? Le mois de septembre. Une fois, bon, nous, en 15 jours, on fait nos visites chaque jour. Le lendemain, donc, j'avais une malade admise pour, je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais elle avait une prothèse mécanique mitrale. Elle m'a dit, madame, la nuit, j'ai toussé, j'ai beaucoup toussé. À quoi pensez-vous? Alors, je l'ai fait monter en salle d'écho, j'ai pensé à une thrombose de prothèse. Effectivement, dès que j'ai mis mon bassin, j'ai trouvé un gradient très élevé, c'était une thrombose de prothèse. Elle a été évacuée en urgence, en chirurgie cardiaque, elle a été sauvée. Donc, le moindre signe, c'est pour ça qu'il faut bien dire ma immunologie cardiovasculaire. Parce que le moindre signe, il a sa valeur. Ok? Voilà. Alors, donc des fois, le tableau, je vous ai dit, il est révélé par une complication. Donc, il faut toujours faire un examen clinique. Donc, l'examen clinique peut être normal, l'examen clinique peut être normal. On peut trouver une sensibilité donc, de l'hypochondre gauche. C'est la rate qui peut être, on peut palper une splénomégalie douloureuse. On doit chercher également ce qu'on appelle des signes cutanés. L'examen clinique peut être normal. L'examen clinique peut être normal n'élimine rien du tout en cardiologie. Comme on peut trouver des signes, par exemple, quand vous palpez l'abdomen, vous trouvez une splénomégalie douloureuse. Parce que la splénomégalie, donc, ça fait partie des signes de l'infection. Parfois, on a des signes cutanés, évocatrices, donc deux points, c'est des signes cutanés de muqueux. Intérêt, on a le faux panari dans l'air, le faux compense. Le faux panari, panari S à la fin. Dans l'air, c'est des nodosités rouges et douloureuses. C'est des nodosités douloureuses, rouges et douloureuses qui siègent. Qui siège au niveau de la pulpe des phalanges distales, des doigts et des orteils. C'est des nodosités rouges et douloureuses qui siègent au niveau de la pulpe distale des phalanges des doigts et des orteils, c'est-à-dire là. C'est les extrémités des doigts. C'est des petits nodules comme ça, rouges, qui font mal. Ce qu'on appelle le faux panari d'Osler. Un autre, on a l'érythème hémorragique. Panaire ou plantaire. Érythème hémorragique palmaire ou plantaire de Jeanne W. Jeanne, c'est le nom de mon frère. Jeanne, J-A-N-E, W-A-Y, Jeanne W. C'est des types. Si vous avez un problème, je suis en train de répéter chaque fois. Érythème hémorragique plantaire ou bien palmaire, c'est-à-dire phase postérieure des pieds. Ce qu'on appelle, c'est l'érythème hémorragique de Jeanne W. Là, c'est le nom propre d'un savant qui a trouvé ça, et il est en train de voir ça. C'est une carte hémorragique. Alors, voilà, un autre tiret. On a les pétéchies à centre blanc. Au niveau des conjonctives, et la muqueuse buccale. C'est des pétéchies qui ont un petit centre blanc au niveau des conjonctives et la muqueuse buccale. Un autre tiré, on a des taches de rote. Rote aussi, c'est un nom propre. R-O-T-H. R-O-T-H. Les taches de rote. Alors, ces taches-là, on les trouve dans la rétine. C'est des taches floconneuses. Au niveau de la rétine. Alors, il faut savoir que ces signes cutanés, ils font partie des critères majeurs du diagnostic d'endocardite infectieuse. Bon, ils sont rares, mais quand ils sont là, ils sont évocateurs. Et généralement, ils sont dus à une réaction immunologique qui s'est déclenchée suite à l'infection. D'accord? Donc ça, c'est les signes cliniques, puis vous avez l'auscultation. Donc on doit toujours ausculter un malade. disons comme ça, on auscule, elle souffle. Récemment apparu. On ausculte un souffle récemment apparu. Ou bien l'exagération, ou bien l'exagération d'un souffle préexistant. Ou bien l'exagération d'un souffle préexistant. Ça pour l'examen clinique. Donc c'est un malade qu'on doit lui faire un ECG. Donc ECG peut être normal. On peut trouver un trouble du rythme. On peut observer un trouble du rythme, donc FA, ACFA surtout. Comme on peut trouver un PAV. Alors, je vous dis ça pour vous, le BAV, dans l'endocardite infectieuse, c'est un signe de mauvais pronostic. Il se voit généralement dans les endocardites aortiques. Donc, elles sont aortiques. Donc, c'est l'atteinte des canaux conductifs par le germe. Généralement, on trouve des abcès, etc. Quand on trouve un BAV, c'est un signe de mauvais. Il faut savoir que c'est une endocardite qui est méchante. Après ça, il faut faire un thorax, bien sûr. Alors, je cherche un foyer pulmonaire. Vous écrivez un thorax. Alors, on cherche un foyer pulmonaire. Il faut faire des examens biologiques, un bilan inflammatoire, surtout la VS et la CRP. Surtout la VS, la CRP. Il faut faire une FNS à la recherche d'une hyperleucocytose et d'une anémie. FNS à la recherche d'une hyperleucocytose et d'une anémie. Chimie des urines à la recherche d'une hématurie microscopique et d'une protéinurie. Chimie des urines, à la recherche d'une hématurie et d'une protéinurie. En médecine, chaque examen, il a son but. Même la petite bandelette là, qu'on fait, hématurie, ce qu'on appelle la chimie des urines, elle a sa valeur. Si je trouve 2 croix, 3 croix, j'arrête d'expliquer. Alors, vous écrivez. Critère, alors vous terminez par une échocardie dans l'air. Mettez 3 croix sur ça. L'échocardie dans l'air et l'écoute transosophagienne. C'est le TO. L'échocardie dans l'air et échotransosophagienne, c'est le TO. C'est les examens clés qui permettent d'objectiver les lésions valvulaires, qui permet d'objectiver les lésions valvulaires, leur siège et leur retentissement, et leur retentissement sur la fonction VG, et leur retentissement sur la fonction VG, et aussi de voir des végétations, les végétations, d'apprécier leur taille, mobilité, et siège, taille, mobilité et siège. Et la recherche aussi des complications comme rupture de cordage, abcès, rupture de cordage, abcès, épanchement péricardique, etc. Épanchement péricardique, etc. Désinsertion de prothèse, désinsertion de prothèse. Alors, je vais vous expliquer. Quand il s'agit de valve native, alors le germe, il se greffe sur le tissu valvulaire, donc soit sur les sigmoïdes. Ça désinsertion, elle est responsable. prendre dans 3 jours. Vous pouvez prendre dans 4 immoculture. À 15h20 minutes d'intervalle, au moment des pics fibrilles deviennent plus puissants, pendant 3 jours de suite, c'est l'état du patient le permet. C'est avant qu'on commence le traitement. Là, on n'entend pas. Pardon ? On vous entend mal, madame. Donc, on fait 3 immocultures à 15 à 20 minutes d'intervalle pendant 3 jours de suite. Au moment des pics fibrés, il y a des frissons, quand le malade frissonne. Il faut savoir, quand quelqu'un frissonne, c'est une décharge bactérienne. C'est-à-dire, la bactérie, elle, décharge ses toxines dans le sang. C'est pour ça que le malade frissonne. Les frissons, c'est l'hypothermie. Donc, il fait de l'hypothermie, il frissonne, puis il fait de l'hyperthermie. Pendant 3 jours, c'est l'état du patient le permet. C'est-à-dire, avant qu'on commence l'antibiothérapie. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Alors, le chapitre suivant, s'il vous plaît. Les critères diagnostiques de l'endocardite infectieuse, c'est les critères de Duke. D-U-K-E. Les critères de diagnostic de l'endocardite infectieuse, entre parenthèses, c'est les critères de Duke. Grand D-U-K-E. Petite 1, endocardite infectieuse certaine. Endocardite infectieuse certaine. Donc sous forme de tiret. Micro-organisme. Micro-organisme, c'est-à-dire un germe. Micro-organisme découvert à la culture. Micro-organisme découvert à la culture ou bien à l'étude histologique ou bien à l'étude histologique d'une végétation ou bien dans un abcès intracardiaque. Micro-organisme découvert à la culture ou bien à l'examen histologique d'une végétation ou bien d'un abcès intracardiaque. Là, c'est un critère majeur. L'autre tiré. Lésion anatomique, présence d'une végétation ou bien d'un abcès intracardiaque, ou bien d'un abcès intracardiaque. Avec confirmation histologique, d'une endocardite en évolution. Alors, vous mettez les critères, un tiret, les critères cliniques. Les critères cliniques, 2 points. Donc, vous mettez 2 points, un tiret juste à côté, 2 critères majeurs. 2 critères majeurs. Un autre tiret. Ou un critère majeur et 3 mineurs, ou un critère majeur et 3 critères mineurs, un autre tiré ou 5 critères mineurs, ou 5 critères mineurs. Ça, c'est pour parler d'une endocardite certaine. Alors, les critères mineurs, c'est la fièvre, c'est l'hématurie, c'est l'altération de l'état général, d'accord. C'est des immocultures, donc une porte-culture qui est positif à jamais d'entrer et d'encarcer une seule couleur culture. Parce qu'il va avoir au minimum 2 à 3 porte-cultures positives au même jeune pour parler d'une endocardite certaine. Chut. Ça, c'est l'endocardite certaine. Petit 1, petit 2, endocardite possible. Endocardite possible. Il y a un cours après à 15h. Et quelle heure? 15h. À 15h. Endocardite possible s'il y a un critère majeur et un critère mineur. Endocardite possible, petit 2. Endocardite possible s'il y a un critère majeur et un critère mineur. Ou bien 3 critères mineurs. Ou bien 3 critères mineurs. Petit 3, endocardite rejetée. Donc, rejeter, c'est la certitude que les manifestations soupçonnées sont d'origine à une autre cause. La certitude que les manifestations soupçonnées d'origine endocarditique sont liées à une autre cause. C'est-à-dire, on est certain que ces signes cliniques n'ont rien à voir avec l'endocardite. Les signes cliniques-là, ce n'est pas la lésion cardiaque. C'est-à-dire qu'on voit que si on trouve un petit soupe, que ce petit soupe-là, il n'a pas évolué. Il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas d'abcès. Mais on peut trouver une immoculture positive à un germe autre que les germes qu'on a cités. D'accord? Mais on est sûr de ça. Par exemple, c'est dû à une pneumonie, c'est dû à une appendicite, c'est dû à autre chose. Alors, on va citer les critères majeurs. On va citer les critères majeurs et les critères mineurs. On va juste les citer rapidement. Donc, immobilisation positive, vous mettez 3-3. Vous avez critère majeur. Donc on a dit mon culture positive. D'accord? À un germe, dont je vous ai cité déjà les germes. Ils sont responsables d'endocardite. Un autre tiré, évidence d'une atteinte de l'endocarde. C'est-à-dire qu'on a des signes en faveur d'une atteinte endocarditique. Par exemple, à l'écho, on trouve un abcès, végétation, ce que je vous ai cité tout à l'heure. Évidence d'une atteinte de l'endocarde. Donc vous mettez végétation, abcès, des insertions de prothèses, etc. etc. ce que je vous ai donné tout à l'heure. Ou bien une régurgitation valvulaire nouvellement apparue. Régurgitation valvulaire récemment apparue. Récemment apparue. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de surkinorrhée, il subit tout et qu'il a une fibrillation aortique. C'est un critère majeur. Les critères mineurs, souvent on peut dire qu'il y a la prédisposition. C'est-à-dire une atteinte cardiaque préexistante déjà. Un autre tiré, fièvre. Feu est égal à 38. Pierre, feu est égal à 38. Un autre serait des phénomènes vasculaires. Les phénomènes vasculaires, c'est-à-dire AVC, embolie pulmonaire, ischémie, etc. On va les citer après. On a les phénomènes immunologiques. C'est les signes cutanémiqueux qu'on a cités. La globérinonéphrite, la tête rénale, glomérulonéphrite, les taches de rôte, etc., ce qu'on a cité. Donc ça, c'est les principaux critères mineurs. Alors, donc, l'évolution, le chapitre suivant, l'évolution. Avec un petit impact très près. Évolution. Madame, tout à l'heure, quand je vous avais expliqué, vous avez dit que les signes cutanés sont des signes majeurs évocateurs de l'endocardite infectieuse. Non, c'est des signes mineurs. C'est des signes mineurs. Mais quand ils sont là, ils sont très évocateurs de l'endocardite. Parce que le signe majeur, c'est quoi en vérité? C'est les végétations, c'est les arbres, c'est les germes. D'accord? Quand j'ai un germe, c'est-à-dire j'ai trois évocatures positives pour un germe, ça peut être positif. Je ne cherche pas de midi à 14. D'accord? Quand j'ai une végétation à l'écho, j'ai un abcès à l'écho, c'est un critère majeur, je ne discute pas. Des fois, tu as l'écho, tu n'as pas de végétation à l'écho. Tu n'as pas d'abcès. Tu as une petite fuite aortique possible. Mais tu as des signes fiers, tu as des états généraux, tu as des signes cutanés. C'est une probabilité. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont des classifications. J'ai dû mettre ça, il a mis des normes de cardite certaines. Des certains critères majeurs, ou bien deux critères majeurs et mineurs, ou bien cinq mineurs. D'accord? Alors, l'évolution. Oui. Les signes cutanés. Je vous ai expliqué pourquoi il y a des signes cutanés. On peut les trouver dans des maladies systémiques. D'accord? Mais parce que je vous ai dit pourquoi on a ces signes cutanés, ils sont déclenchés par un processus immunologique qui se déclenche dans l'organisme. C'est pour ça qu'on peut avoir un érythème, on peut avoir des pathologies, on peut avoir des infections, on peut avoir des signes, des taches de rôle dans nos infections. D'accord? Et quand on les trouve comme ça, devant le malade, c'est un tout. D'accord? Il vous dit que j'ai une fièvre, des craintes. Je suis asthénique, je ne suis pas bien. Vous l'examinez. Vous trouvez un bilan inflammatoire, il ne faut pas oublier le bilan inflammatoire, un VS accéléré, CRP, très élevé, une hyperprostose, c'est une infection. Mais à l'écho, si je ne trouve pas l'écho, si je ne trouve pas la végétation, pas l'abcès, donc à quoi pensez-vous? Est-ce que c'est fait pour notre cardiaque ou bien autre chose? L'évolution, donc le chapitre suivant, c'est l'évolution. Donc, il y a deux choses. Soit le malade, il est pris à temps. D'accord, ça, soit le malade, il est pris à temps, c'est-à-dire il est bien pris en charge à temps. Ou les lésions valvulaires, elles ne sont pas importantes. Il répond au traitement, il guérit. D'accord? Sans séquelles. Soit c'est la bonne évolution, soit c'est la bonne évolution sous traitement. Sans séquelles. Soit l'évolution, se fait vers la chirurgie cardiaque. C'est-à-dire que les lésions sont importantes. Vers la chirurgie cardiaque, soit l'évolution elle est émaillée par des complications. Soit l'évolution elle est émaillée par des complications qu'on va citer. Donc soit le malade, il se fait donc là, l'endocardite, c'est une petite végétation, petite fuite, Donc on le traite pendant 6 semaines sous antibiotiques. Alors l'interlope, soit vous m'écoutez, soit vous continuez à écrire ce que je dis, il est plus important. Si on est malade, il connaît bien ce traitement. Et en fait, cure, il traite pendant 6 semaines. C'est comme le module pour l'hôpital de chirurgie. C'est 6 semaines. Alors, soit il évolue bien ce traitement, mais il n'a pas beaucoup de séquelles. C'est long, tant mieux, il est sorti. Soit il reçoit sa cure, 6 semaines, mais les lésions sont importantes. Dans ce cas, on va le confier au chirurgien. D'accord ? Il va bénéficier d'une prothèse, un couvert mécanique, et normalement c'est mécanique. Soit c'est un patient qui, au cours du traitement, il nous fait des complications. On va citer, on a des complications cardiaques et des complications extra-cardiaques. Les complications cardiaques, au premier plan, c'est l'insuffisance cardiaque. Vous mettez 3-3, c'est la première cause de mortalité. Insuffisance cardiaque, 3-3, c'est la première cause de mortalité. Deuxième tiré, épanchement péricardique. Épanchement péricardique. Abcès intracardiaque. Abcès intracardiaque. Un autre tiré, trouble du rythme et de la conduction. Trouble du rythme et de la conduction. Un autre tiré, impactus du myocarde. Par quel mécanisme ? Micélation du. Migration d'une végétation dans une artère coronale. Impeccable, très bien, bravo. Je vous ai dit que ça donne des végétations, des accidents systémiques. Le cerveau, le poumon, la vague, les membres. Les coronaires aussi sont des artères. Ça donne un impactus. D'accord ? Bravo. Alors, j'ai bien franci. Alors, ça, c'est les principaux complications cardiaques. Les complications extracardiaques. Les complications extracardiaque, on a surtout les neurologiques, les AVC. C'est les AVC, soit emboliques ou bien hémorragiques. Soit emboliques, c'est-à-dire ischémie, ou bien hémorragiques, entre parenthèses, par rupture d'un anévrisme mycotique. C'est ça le mécanisme. Par rupture d'un anévrisme mycotique. C'est la deuxième cause de mortalité. Les AVC, c'est la deuxième cause de mortalité en matière de cardiovasculaire. On a des AVC, on a deux types d'AVC. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. AVC ischémique, c'est une artère bouchée, comme dans le truc. Soit c'est une AVC hémorragique. Comment on explique l'AVC hémorragique? Alors, ces gènes-là, ça donne des anévrismes de la paroi artérielle. Tellement elles grignotent les cellules, donc ça bousille la musculature de la paroi artérielle, elle devient anévrisme. Cette poche anévrisme, c'est une poche très fine qui risque de se rompre. D'accord ? Et sa rupture, ça donne une hémorragie. Alors, en d'autres complications, un tiré. Complication rénale, donc c'est surtout l'insuffisance rénale. Insuffisance rénale, l'abcès, l'impactus. Insuffisance rénale, abcès, impactus. Un autre tiré, impactus et abcès spinique. Impactus et abcès spinique. Un autre tiré, embolie des artères des membres, embolie des artères des membres supérieurs ou inférieurs, entre parenthèses, vous mettez ischémie. Alors vous tirez anévrisme nécrotique des artères des membres. Anévrisme nécrotique des artères des membres. Un autre tirez des ostéoarthrites. Ostéoarthrite périphérique. Vague sacro-idiite. Sacro, c'est des liens, c'est là, au niveau du bassin. Sacro-idiite, it, c'est-à-dire inflammation. Sacro-idiite. Et spondylodysite. Spon, comme ça se prononce, D-D-Y. Spondylodysite. S-C-I. Spondylodysite, c'est la tête de la vertèbre. Un autre tiré, l'embolie pulmonaire septique. Embolie pulmonaire septique dans les ondes cardiques du cœur droit. Tricuspide. Dans les ondes cardiques du cœur droit. Donc, mettez tricuspide, entre parenthèses. Alors, donc c'est ça les principaux complications de l'endocardite, des complications extra-cardiaques. Alors, vous mettez votre chapitre, les signes de mauvais pronostic. Les signes de mauvais. C'est quel mot tu m'as pris ? Les signes de mauvais pronostic de l'endocardite infectieuse. Souvent de tirer l'endocardite aiguë, qui évolue sur le mode aiguë. Endocardite aiguë. Un deuxième tiret, la localisation aortique. La localisation aortique. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Persistance de la fièvre. Persistance de la fièvre malgré une bonne antibiothérapie. Persistance de la fièvre malgré une bonne antibiothérapie. Un autre tiré, insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque réfractaire au traitement. Insuffisance cardiaque réfractaire au traitement bien conduit. Un autre tiré, endocardite sur prothèse valvulaire. Endocardite sur prothèse valvulaire. Thérapie synergique par voie IV par voie IV. Pendant 2 semaines, donc ménage parenthèse aminosine plus bêta-lactamine, aminosine plus bêta-lactamine, puis monothérapie pendant 4 semaines, bêta-lactamine, monothérapie pendant 4 semaines. Cette antibiothérapie est ajustée après en fonction de l'antibiogramme. Cette antibiothérapie sera ajustée en fonction de l'antibiogramme. Ajustée en fonction de l'antibiogramme. Alors, généralement, on commence par l'amoxil, Genta. L'amoxil, on donne 12 grammes par jour. Et la Genta, vous pouvez donner jusqu'à 160 grammes par jour par voie privée. On garde cette thérapie pendant 15 jours. Puis, on attend, ça fait du mal dès qu'on a fait des hémocultures, on met cette antibiothérapie. D'accord ? Pas laisser les malades, ils sont en attendant parce qu'ils ont fait, généralement ça prend du temps. Si on reçoit le germe, on reçoit l'antibiogramme, si on trouve que le germe est résistant à la germe de l'amoxil, on change en fonction de l'antibiogramme. Alors bien sûr, la surveillance est clinique, biologique et échocardiographique. Donc c'est un malade qui va rester chez vous pendant pratiquement 1 mois et demi. Donc la surveillance est clinique, biologique et échocardiographique. Donc ça c'est pour le traitement médical. Traitement chirurgical, retirer les indications formelles. Les indications formelles. Donc, désiré, c'est l'insuffisance cardiaque réfractaire au traitement. L'insuffisance cardiaque réfractaire au traitement. Donc, c'est plus soit une fuite valvulaire importante ou bien une malade qui a fait une autre complication, s'il est, etc. Un autre tiré, persistance du syndrome infectieux. Persistance du syndrome infectieux non contrôlé malgré une bonne antibiothérapie. Persistance du syndrome infectieux non contrôlé malgré une bonne antibiothérapie. Un autre tiré, les endocardites fongiques. Les endocardites fongiques. Ça, c'est des indications d'urgence. Indication chirurgicale d'urgence, quand est-ce qu'on opère un malade. Indication discutée, en cas d'une végétation volumineuse, indication discutée, en cas de végétation volumineuse au-delà de 15 mm, mobile. Ou bien la présence d'un abcès, ou bien la présence d'un petit abcès. Donc ça, c'est des indications qui sont discutées. Indications admises. Indication admise devant une grosse végétation. Devant une grosse végétation, donc ce qui est toujours à 4 mm, après un accident bouillique. Après un accident. l'islam mongolique. Ou bien présence de lésions. Ou bien présence de lésions para-annulaires sévères. Ou bien présence de lésions para-annulaires sévères ou évolutives. Ou évolutive, entre parenthèses, abcès annulaire ou septo, abcès annulaire ou septal, bien septo, ou bien lésion sous-aortique, ou bien lésion sous-aortique. Donc, ça, c'est les principaux indications chirurgicales. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on opère un malade d'urgence, quand est-ce qu'on vous inscrit les avoirs en 65 heures aussi, s'il vous plaît. D'accord. Et quand est-ce qu'on opère, on intervient au cours du traitement médical. Je prépare la chirurgie, je viens de lui faire des soins dentaires après. D'accord. Après. Nous allons enseigner. Oui. Alors, on peut continuer notre chef. Donc, dimanche à 13h.